Bon, on va pas retourner à l'école quand même. Non, je vais faire autre chose. Je vais me trouver des amis, des vrais amis. Bordel, c'est quoi ce monde? La fac est trop loin pour que j'y pense. Et ça me porte peine d'être dans ce cadre. Je crée la polémique, porte-parole déjà isolée. Il n'y a pas de quoi être désolé. Dans ce monde, on peut te laisser de côté. Et la majorité des gens te diront que t'as dérapé. Alors je prends un virage contrôlé et je roule plein feu sur la voie d'urgence. Je suis comme une ambulance, j'arrive en transe. Et qu'est-ce que t'en penses? La voie de la cohérence. Je suis désobéissant, j'ai fait le plein d'essence. Et je rattrape mon absence. C'est pour tous les gars qui se sentent seuls. J'interviens là où ça fait mal, j'ai la dalle. Écoutez mon enfance, je m'en fais à la fleur, je suis brutal et mortel combat, j'en fais un débat. Et si nos parents divorcés, y en a qui comprennent pas le mal que cela fait là-bas et ici. Je développe un sens créatif, tout en restant positif. La dépression, ça m'impressionne, alors je m'aide par écrit. J'évacue mes plus grosses peines et je règle les choses à qui je dois les comptes. Plus rien ne m'impressionne, il faut passer le cap. Alors je suis un itinéraire dans ma carrière professionnelle où j'ai une ambition. Cela impressionne, mais j'ai un but. Chacun porte sa croix, on est tous égaux. Mais pourtant, je ne vois pas d'égalité dans les salaires. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe. C'est mon premier principe. Que la famille sur qui compter alors et encore s'ils se contredisent pas. La vie, ma foi, je la prends comme elle vient. Un jour c'est rose, un autre c'est noir. Je garde mes distances. Mais ne vous détrompez pas, j'ai pris du poil de la bête. Quand j'ai pris une décision, à l'occasion, de passer prendre une pression. Par là, c'est vite fait dit, mais si on se laisse convaincre que la majorité des gens ne sont pas néfastes, alors j'aurais appris que se confier à quelqu'un n'est pas du ridicule. Chez moi, c'est pas non plus Versailles, mais j'y travaille. J'analyse personne, car je ne suis pas juge. Mais au premier abord, j'ai l'inquiétude comme on veut. On me reproche d'être ce que je suis. Et je ne comprends pas comment agir. Alors je subis au lieu d'être expressif. Je fais les choses par moi-même. Quoi attendre en retour à part des critiques? J'ai encore grandi, donc ça suffit d'être craintif. Chacun porte sa croix, on est tous égaux. Mais pourtant, je ne vois pas d'égalité dans les salaires. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe. C'est mon premier principe. Mes parents m'ont jamais compris, c'est moi qui dois m'adapter à eux et pas l'inverse. Si j'ai fauté, j'en suis désolé, mais j'ai beaucoup appris par mes actes dans mon passé. Je dévoile jamais mes projets, avoir la tête pleine d'idées et de concrétiser la réalité. Une fois sur le papier, je peux la révéler. Personne ne m'enlèvera mes responsabilités. Que j'ai choisi d'assumer, prendre un engagement, c'est prouver qu'on est capable, peu importe le temps que cela va prendre, d'aller au bout de son cap à franchir. J'ai le loisir de m'investir, rendre des services et propice à grandir tes contacts et tes connaissances. Je suis un exemple parmi d'autres car je parle de vécu et donc j'ai du contenu.